Toi qui vis au fond d'un tiroir, couché sur du papier brouillon, toi qui n'as ta place nulle part, fruit du manque d'imagination. Toi l'Alexandrin, un peu bête, à qui il manque trois fois rien, pour que la plume du poète te couche sur du papier satin. Moi qui ne suis qu'un petit chansonnier et ne fais pas tant de manières, aujourd'hui j'ai décidé de parler du vers solitaire. Il ne paie pas vraiment de mine, la rime est pauvre et bien banale, les mots s'enchaînent sans surprise, c'est le grand vide cérébral. Tu ne vaux même pas le prix de l'encre qui t'a dessiné sur la feuille, guidé par une main hésitante qui s'est fichu le doigt dans l'œil. Moi qui ne suis qu'un petit chansonnier et ne fais pas tant de manières, aujourd'hui j'ai décidé de parler du vers solitaire. Moi le petit chagrin d'amour qu'on a voulu exorciser, tu rimes toujours avec toujours, et c'est pas demain que ça va changer. Toi qui résulte de la peine de voir une femme partir, tu ne connaîtras que la corbeille où tant de chansons pour finir. Moi qui ne suis qu'un petit chansonnier et ne fais pas tant de manières, aujourd'hui j'ai décidé de parler du vers solitaire. Tant de poèmes qu'on a cru bons, fruits de délires éthyliques, écrits à même le carton d'un pack de bière, c'est pathétique. Mais quand on se réveille de la cuite, qu'on retrouve un peu ses esprits, la réaction automatique, c'est de tout jeter dans un puits. Et moi qui ne suis qu'un petit chansonnier et ne fais pas tant de manières, aujourd'hui j'ai décidé de parler du vers solitaire. Il y a aussi dans le coin de cahier, du cancre du fond de la classe, la petite pensée vite griffonnée entre deux dessins dégueulasses, celle que les professeurs de français auraient bien fait de découvrir. Au lieu de ça, ils le traitent de niais et lui demandent de sortir. Moi qui ne suis qu'un petit chansonnier et ne fais pas tant de manières, aujourd'hui j'ai décidé de parler du vers solitaire. Le vers venu de nulle part, ou que l'on a cherché trop loin, mérite pourtant qu'on s'y attarde, au moins le temps d'un petit refrain. Combien d'idées, loin d'être bonnes, et qui cartonnent à la télé, combien de chansons un peu connes qui feraient bien d'être oubliées. Moi qui ne suis qu'un petit chansonnier, je trouve qu'il serait salutaire que certaines chansons de variété restent des vers solitaires. Moi qui ne suis qu'un petit chansonnier, je trouve qu'il serait salutaire que certaines chansons de variété reste des vers solitaires, des vers solitaires, solitaires.